Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, René Lévesque, journaliste. C'était un pari qu'on prenait, je me souviens, cette formule-là, de prendre une demi-heure et parfois une heure sur un seul sujet d'actualité, c'est pas un feuilleton quand même, et de rencontrer dans la rue des gars de taxi ou des gars à taverne qui disaient « Ouais », puis commencer à discuter d'une émission sur l'actualité internationale. L'émission « Point de mire » que va animer René Lévesque de 1956 à 1959 est probablement le point culminant de la carrière de journaliste qu'il va mener avant de se lancer en politique. On entend bien toute la fierté qu'il éprouve à évoquer ses années passées à Point de mire dans cet extrait de l'émission « Document » diffusé en 1977. Avec le temps, c'est surtout du politicien dont s'est souvenu l'histoire à propos de René Lévesque, mais le René Lévesque journaliste vaut aussi le détour et certainement une émission d'Aujourd'hui l'Histoire. Une des premières choses que j'ai eu à faire quand je suis rentré ici comme annonceur à Radio-Canada, et c'était en 1956-57, c'était quelquefois de présenter René Lévesque quand il faisait Point de mire, off. D'accord. Mais ça me donnait l'occasion de le voir travailler. Je me souviens encore de lui qui se promenait de long en large. Et puis René, il apprenait ses trucs par cœur. Il était, on disait de lui, c'était un formidable improvisateur. C'est le premier qui m'a fait comprendre que c'est vrai que les meilleures improvisations sont toujours celles qui sont préparées. Et juste avant son émission qui passe en direct, Point de mire, je le revois encore, troisième étage, dans l'ancien immeuble de Radio-Canada. Il écrivait d'une façon brouillonne, c'était un homme brouillon, il écrivait ses textes, il les apprenait par cœur, il ne fallait pas l'embêter à ce moment-là, il se concentrait là-dessus puis il partait, c'était vraiment le grand magicien de la communication. Extrait de l'émission « Entrée des artistes » en 1997, vous y entendiez l'animateur et journaliste Pierre Nadeau raconter le souvenir qu'il conserve de René Lévesque à l'animation de Point de mire pour nous présenter ce René Lévesque journaliste qui a été un peu oublié avec le temps, on a plus retenu la figure politique. Mon invité, le journaliste Marc Laurent, un habitué de l'émission. Marc Laurendeau, bonjour. Bonjour. Avant de faire de la politique, donc, Lévesque va être journaliste, correspondant de guerre, animateur d'émissions à la radio et à la télé, d'émissions d'information. Quel genre de journaliste est-il, Marc Laurendeau? Exactement comme décrivait Pierre Nadeau. J'ajoute que Pierre Nadeau disait « Lévesque savait raconter une histoire ». Ça l'a inspiré lui aussi, et Pierre Nadeau, c'était un peu un modèle. Mais c'était quelqu'un qui se préparait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prétendre informer les gens si on n'est pas soi-même bien informé. Et il mettait ça en pratique. Point de mire, que vous le disiez, c'était une émission d'une demi-heure, rarement une heure complète. Et pour préparer cette demi-heure, Il préparait 3 heures, en réalité. Il s'enfermait dans la bibliothèque de Radio-Canada le samedi pour écrire ses textes, fouiller partout, lire les journaux, les revues, mettre à jour complètement son dossier. Le lendemain, composer son texte, qu'il apprenait en effet par cœur, et il était en direct. Il se rendait dans le studio et livrait ça en direct avec, si vous voulez, un rythme absolument fabuleux. Alors, son expérience de correspondant de guerre aussi, à faire des descriptions, des récits, à raconter des histoires, justement, l'a servi pour cette incroyable entreprise de vulgarisation qui était Point de mire. Ben, c'est bien que vous en parliez, parce que déjà, oui, un vrai journaliste, comme on dit, qui se prépare, qui se documente, un gros bosseur, il lit énormément, il lit tous les journaux quand il arrive quelque part en reportage, mais vous l'évoquez déjà, un brillant communicateur. Ouais, ben ça, c'est sur la forme. C'est-à-dire qu'il déteste tout ce qui est pompeux. Et on parle parfois des fameuses fireside chats du président Roosevelt, qu'il admirait beaucoup. Mais si vous les regardez avec le recul, vous verrez que c'est très pompeux, très, très officiel. Lévesque avait, il crevait l'écran. Mm-hmm. Et c'était pareil à la radio, où il a commencé. C'est-à-dire qu'il y avait une simplicité dans les formes, un côté direct. Il n'hésitait pas à employer plusieurs niveaux de langue. Ouais. À jouer tant sur l'émotion que sur, sans démagogie, là, que sur l'explication d'un dossier. Ouais. Dans sa communication, il était simple et il n'y avait jamais de questions révérencieuses. Ça allait droit au but. Alors, quand on le voyait dans des émissions de télé, des émissions de presse ou Carrefour ou toutes les émissions qu'il faisait, déjà, on le remarquait parce qu'il se détachait. Il était plus direct, plus au cœur de la question. Et c'était pareil à Point de mire. Ouais. Et en plus, sur le plan de la forme, il gesticulait, il bougeait, il fumait, il faisait des phrases qui finissaient plus. Et comme l'écrira très justement Gérald Leblanc à son décès, c'était nous. se reconnaissait dans ce style. Ça commence quand? Ça commence où, cette vie journalistique de René Lévesque? Ah, ça commence à la radio, à New Carlisle, où il est annonceur pendant ses études, avant même d'avoir 20 ans. Il fait ça quelque temps, l'été. Il est engagé ensuite par un poste de radio à Québec, CKCV, après New Carlisle. Après ça, c'est CBV, hein, la filiale radio-canadienne. Et là, tout de suite, on approche les années de guerre. Et lui voudrait, il fait de la radio, puis il est populaire. Puis on le signale, les journaux parlent de lui. Ouais. Il voudrait, parce qu'il y a l'aventure du siècle, il voudrait participer à la guerre. Il ne veut pas y aller comme conscrit. Il va aller pour décrire, pour raconter des histoires sur la guerre. Et là, il postule, hein, mais... Radio-Canada avait déjà son service de correspondant, Marcel Ouimet, Benoît Lafleur, Paul Barrette. Ça se décidait à Montréal, ça. Oui, s'il est à Québec, il faut le rappeler à ce moment-là. Ça crée une barrière. Alors, là, ce qu'il fait, c'est qu'il s'engage à l'Office of War Information, l'équivalent de Voice of America, on pourrait dire ça. Et il était dans une officine de propagande. Il devait parler aux Français, en français, de Londres, et sa fonction première était de parler aux Français. Et là, il est engagé sous la direction d'un type formidable, Pierre Lazareff, qui allait devenir le patron de François par la suite. Alors, il va à la bonne école, en plus. Et il va donc couvrir la fin de cette guerre. On l'écoute, et ça va être une expérience évidemment marquante et déterminante pour lui. On l'écoute en parler de cette expérience de correspondant de guerre pour l'armée américaine durant la Deuxième Guerre mondiale à l'émission Avis de recherche au micro de Gaston Lheureux en 1985. Ben écoutez, la guerre, c'était à la fois la très grande aventure, puis aussi un choc qu'on ne pouvait pas évaluer à cet âge-là, qu'est-ce que ça pouvait nous faire, mais c'était un choc en même temps qu'une découverte. La découverte du monde, c'est la chance... entre guillemets, la chance de sortir, d'être ailleurs, puis tout à coup d'être pogné avec... Vous parlez de Dachau, hein, ce que peut être la barbarie, là, déchaînée, d'une façon tellement systématique que tu disais, c'est pas possible. On est entré à Dachau, puis à Theresienstadt aussi, qui était au-dessus de l'Allemagne également, dans le coin où j'étais. Les premières journées, autrement dit, les Allemands partaient d'abord, on rentrait par l'autre. Alors on avait là, tout ce que ça pouvait vouloir dire. La laideur, là. Oui, puis des moribonds, là, puis des gens qui... Disaient, quoi, je me souviens, j'avais fait des comptes rendus, c'était normal, ça faisait partie de mon job, quoi, comme correspondant très junior, des comptes rendus que les gens ne croyaient pas. Ils disaient, vous inventez, c'est pas possible ce que vous racontez. Mais c'était vrai. On entend donc René Lévesque dans cet extrait parler, c'est pas rien de la libération des camps de Dachau, de Theresienstadt. Quels seront, sans faire de mauvais jeu de mots, mais quels seront ces grands faits d'armes dans cette couverture de la Deuxième Guerre mondiale, Marc Laurendeau? C'est d'avoir couvert, en particulier, parce qu'il est resté en tout un an et demi, vers la fin de la guerre, c'est d'avoir couvert, sur le terrain, là, il suivait l'armée du général Patton, ensuite du général Patch, ensuite celle des Français de Lattre de Tassigny. Il a pris sa revanche sur Radio-Canada. Je vais vous dire comment. Radio-Canada suivait ses correspondants, comme Marcel Ouimet, suivait l'armée canadienne, qui à ce moment-là était en Hollande. Et c'était un terrain un peu moins chaud, un peu moins significatif, alors que l'évêque, vers la fin de la guerre, était en Allemagne, directement sur le terrain. Et là, il a un peu pris sa revanche et, en somme, couvert le terrain de manière tout à fait privilégiée. Et oui, c'est un grand témoin de l'histoire, c'est-à-dire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et il a vu, par exemple, Stuttgart complètement dévasté, en ruine. Et c'est un des rares à avoir vu ça sur le terrain. Il est dans l'œil du cyclone. Il voit l'Allemagne s'effondrer. Puis il a vu Goering en personne à des conférences de presse. Ouais. Goering qu'on avait capturé qui tentait de négocier une espèce de paix séparée, puis de se négocier un sort particulier. Il a été témoin de tout ça. Ouais. Alors, et il le racontait merveilleusement à l'époque. Il rentre donc après la Deuxième Guerre mondiale, il revient au pays, il revient à Radio-Canada, mais cette fois-là à Montréal, ce qui va lui permettre, quand la guerre de Corée sera déclenchée au début des années 50, ce qui va lui permettre de partir au front, mais cette fois-là comme correspondant de guerre pour le compte de Radio-Canada. Yoke 18 Able, at Salmon now, over. Ce que vous venez d'entendre, c'est le message, car nous avons été en contact avec le quartier général de la brigade continuellement, puis notre départ, le message qui avertit que nous sommes simplement sur les bords de l'Imjin. En code Salmon, Salmon, le saumon, eh bien, un mot très bien trouvé, ça veut dire la rivière Imjin. Et cette voix codifié que vous venez d'entendre, eh bien, c'était celle de l'officier de liaison de la brigade, de la 25e brigade canadienne, des officiers de liaison, le major Jacques Tachereau, de Sainte-Marie-de-Beauce, n'est-ce pas, major? C'est bien ça, Sainte-Marie. Je n'ai pas oublié l'accent de la province de Québec, malgré qu'on vous fasse parler en code. Ah, je parle toujours français de la même façon. Je ne crois pas que je change jamais. Et nous voici maintenant, 10 minutes plus tard, qui achevons de traverser la rivière Imjin. La rivière Imjin, toute boueuse, grossie par les crues récentes, à peu près 1000 pieds de largeur en cet endroit. Nous traversons à bord d'un bateau passeur des plus primitifs. Extrait d'une correspondance de Gerd René Lévesque en Corée en septembre 1951. Quel genre de correspondant de guerre est René Lévesque, Marc Laurent? Mais c'est loin, la Corée, et ouais. On ne comprend pas toujours les enjeux. C'est une culture qu'on ne comprenait pas. Par ailleurs, l'enjeu qui était de l'endiguement, c'est-à-dire empêcher l'expansion du communisme, hein, c'était ça, au fond, empêcher que la Corée du Nord, soutenue par Staline à l'époque, puisse prendre position sur... Et même Mao, hein, Mao soutenait ça aussi. Ouais. Complètement communiser toute la Corée entière. Alors, ouais. C'est ça qu'on voulait empêcher. Et Lévesque était sur place au sein d'une armée canadienne, très anglophone, il le souligne parfois, et il devait traduire pour son auditoire francophone les réalités, parce qu'on avait des compatriotes francophones qui étaient là, et il devait faire comprendre les enjeux, la situation, décrire. Et ce reportage illustre très bien ce qu'était René Lévesque. Ouais. Le concret, hein, la traversée d'une rivière, le Canadien-Français qu'on fait parler en code. Mm-hmm. Et alors... du vrai journalisme terrain. Ah oui. Autant dans son studio à Pointe-Mire, il comprend que sa vocation, en fait, sa mission est peut-être, c'est plus de l'analyse, c'est plus de la mise en contexte. Il en fera quand il est correspondant de guerre, mais il sait très bien qu'il doit d'abord et avant tout témoigner de ce qui se passe sur le terrain. C'était sa force, hein, ouais. En Corée et puis lors de la fin de la Seconde Guerre mondiale aussi, mais en Corée, il devait traduire pour un public qui ne connaissait pas vraiment ouais. ce terrain-là. Mm-hmm. Il devait concrétiser tout ça, montrer qu'il y avait des Canadiens français qui étaient là. Puis j'ai entendu d'autres reportages où il décrit, par exemple, une messe qui est célébrée sur le nez d'un Jeep. Ouais. Et puis il décrit qui sont les protagonistes, qui sont des Canadiens français ouais. aussi. Alors, il essayait de nous rendre visuels. Parce, ouais. C'est de la radio, là, mais vous avez remarqué que c'est de la radio très visuelle. Absolument. Alors... Avec nos repères aussi. Parce que ouais. c'est vrai que ça fait partie du mandat d'un correspondant à l'étranger, décoder la réalité étrangère en nous la ramenant, en faisant des références à notre propre réalité. Et à notre ADN, voilà. à nos sensibilités. Ouais. Alors, à son retour de Corée, René Lévesque revient évidemment à Montréal. Il va animer des émissions d'information à la radio, à la télévision. Puis il est amené dans cette période-là à faire un peu de tout, comme on dit, dont les fameux micro-trottoirs. Les vox populi, où l'on demande à monsieur et madame tout le monde leur avis sur une question d'actualité. On l'écoute en pleine action lors de la campagne électorale québécoise de juin 1956. Ah, monsieur, vous êtes notre premier votant ce matin qu'on est rencontré. Est-ce que vous avez des objections à nous dire votre nom là-bas? Rocco Serena. Ah, italien? Oui. Italiano? Italien. Dites donc, est-ce que. Trop mal, hein? Ah, vous êtes obligé de traduire. Oh, là. Est-ce que vous voulez nous dire en français, par exemple, pas en italien, pour qui vous êtes aujourd'hui dans ces élections-là? En faveur de qui? Ça, c'est une chose que je ne suis pas prêt à dire, ça. Vous avez mieux pas parler? Non, certain. On voudrait changer de premier ministre, je ne sais pas si on va réussir, mais... Ah, non, vous êtes contre? Dans le fond, il est tout probable qu'il va y rester encore. Parce que... Ah bon? Alors vous êtes contre, mais vous n'êtes pas confiant que ça va réussir? Oh, je ne suis pas confiant qu'il va se faire battre à court, dans le fond. Votre secret à vous aujourd'hui, est-ce que vous voulez nous le révéler? Pour qui vous êtes? Oh, je suis pour M. Duplessis. Ah bon? Et pourquoi? Pourquoi? Bien, parce que d'après mon opinion, ça a toujours été un bonhomme qui a toujours fait son devoir, d'après moi. Alors la campagne de l'opposition ne vous a pas changé les idées du tout? Non, du tout. Et à propos, est-ce que votre mari serait d'accord avec vous s'il était là? Non, il n'est pas pour, il est pas sur mon côté. Ah bon, alors vous êtes... C'est-à-dire, moi je suis veuve. Mais le monsieur qui demeure, vous savez, pensionnaire chez moi, il est pas pour ce côté-là, il est sur l'autre côté. C'est assez fabuleux cet extrait qu'on entend parce que ça nous en dit beaucoup, Marc Laurendeau, sur l'homme, sur qui était le journaliste, mais René Lévesque, l'homme. Oui. D'abord, les micro-trottoirs étaient regardés de haut par certains annonceurs de la maison. Certains journalistes nous disaient que c'était un genre mineur. Finalement, on ne recueillait pas grand-chose d'intéressant là-dedans. Ils préféraient interviewer les grands de ce monde. Oui. Mais René Lévesque, lui, c'était une de ses forces. Il s'approchait des gens en catimini. les interrogeait, était curieux, vous voyez. Ouais. Ces questions ne sont pas directives, c'est-à-dire qu'il les écoute, il y a un sens de la répartie. Un peu d'ironie, mais sans condescendance. Hein, mais il ironise avec eux, il fait des blagues, il les fait parler. Et c'est formidable tout ce qu'il arrive à faire sortir là, la veille d'une élection, réélection de Maurice Duplessis. Mais c'était pareil dans d'autres circonstances. Il en faisait sur l'Algérie, il en faisait sur toutes sortes de sujets. Sa proximité, au fond, qu'on retrouve partout quand il communique, quand il anime Point de Mire, on l'a, cette proximité sur le terrain, dans son rapport avec les gens qu'il interviewe. C'était exceptionnel, c'est-à-dire les gens n'avaient pas l'impression d'être traités de haut. Là. Exactement. Ils avaient l'impression qu'il disait quelque chose et que ça allait rebondir, et alors c'était merveilleux. Et quand il y avait une trouvaille, une perle qui sortait dans la conversation, il la relevait, relançait. Ouais. Il était très habile dans les micro-trottoirs. Et ce qui est d'autant plus fabuleux dans ce cas de René Lévesque, c'est qu'autant il est habile dans ses micro-trottoirs où il parle à monsieur et madame tout le monde, autant il aura l'occasion, il le fera dans sa carrière, d'interviewer les plus grandes personnalités. Moi, j'ai encore en tête une entrevue qu'il va faire avec Eleanor Roosevelt aux Nations Unies. Il va couvrir les plus grands événements de son époque. Et là, je pense à un reportage extraordinairement bien écrit où il raconte la cérémonie où à Westminster, à Londres, on célèbre les 80 ans de Winston Churchill. C'est ça aussi. Parlez-moi un peu de ça, ce talent d'écriture, parce que ça compte dans la carrière de René Lévesque. Oui, c'était quelqu'un qui avait une bonne plume, qui lisait énormément, en très grande partie de manière non encadrée. Là. C'était une forme d'autodidacte. Il lisait tout. Alors, naturellement, il en avait développé une langue absolument fabuleuse. Ouais. Il pouvait jouer avec une langue très sophistiquée, une langue très, très proche, très populaire à certains moments. Alors, et ses textes étaient souvent écrits. Quand on parle de Point de Mire, les textes qu'il apprenait par cœur, c'était pas des, comme on dit en anglais, des pointers, là, des grands titres. Il apprenait la phrase par cœur, et parfois même l'incise et la parenthèse. Alors, il avait une qualité d'écriture qui était exceptionnelle, et quand il se décidait à écrire un discours, comme il allait le faire plus tard en politique, c'était formidablement rédigé, là. L'Empire du Nord-Ouest africain de la France, Algérie, Tunisie, Afrique occidentale française, à 30 millions d'habitants, et grâce à la paix, il en aura le double dans 50 ans. Il sera alors peuplé de gens rompus au maniement de nos armes, dont l'élite aura reçu son instruction dans nos écoles. Si nous n'avons pas su faire des Français de ces peuples, ils nous chasseront. Le seul moyen qu'ils deviennent Français est qu'ils deviennent chrétiens. Le texte qu'on vient de lire pendant le défilé, ces quelques images, est extrait d'une lettre qui a été écrite en 1912, il y a 45 ans. Et cette lettre est signée d'un homme qui a été officier français, qui a été explorateur du Sahara, mais qui a été surtout le plus célèbre missionnaire que la France ait envoyé en Afrique, le père Charles de Foucault. Or, les conditions que le père de Foucault posait dans cette lettre que vous venez d'entendre à un séjour permanent de la France en Afrique, et même dans cette France d'en face, comme disait un des titres qu'on a montré sur l'écran, c'est-à-dire l'Algérie, ces conditions, comme chacun sait, je crois bien, ne se sont pas réalisées. C'est-à-dire que les musulmans... Extrait de l'émission Point de Mire du 10 février 1957. Point de Mire, donc, dont on a déjà parlé, parce que c'est un incontournable. C'est peut-être le point culminant de sa carrière de journaliste, Marc Laurendeau, à René Lévesque, Point de Mire. Il l'anime de 56 à 59. Pourquoi cette émission sera une si grande émission? Au début, les patrons ne croyaient pas que ce serait une si grande émission. Roger Rolland et les autres là, qui étaient à la direction disaient « On va placer ça en 11h15 le soir, comme ça on ne va pas se faire ennuyer par la concurrence. » Et on va garder le haut du pavé dans les heures de grande écoute. Mais ça a eu plus de succès que prévu. Et aussi, on se disait, il y avait des gens qui avaient des réticences et qui disaient, René Lévesque, c'est pas quelqu'un qui est l'annonceur onctueux, poli, tout lisse. Et peut-être que ça sera pas très télégénique, finalement. Mais on se trompait, là. C'est-à-dire qu'au contraire, sa communication, comme on l'entend, était d'une grande qualité. Il expliquait, dans le cas de l'Algérie, il allait jusqu'au fond des problèmes. Hein. C'est-à-dire que dans une des émissions qu'il a faites là-dessus, il interview Guy Mollet, qui était le président de la France d'alors, et Guy Mollet sent dans les questions de l'évêque un côté incisif, comme oui. s'il était favorable à la décolonisation. Et là, il a été, René Lévesque, croyez-le ou non, persona non grata en Algérie française. Et il a fallu qu'il fasse ses interviews de la France. Mais sur ce sujet, que les Québécois connaissaient peu, il expliquait en détail la situation, le colonialisme. C'était avant l'arrivée de De Gaulle et le « je vous ai compris ». Mais il nous faisait comprendre, j'ai été un spectateur régulier, de manière soutenue de cette émission, et je peux vous dire, je ne suis pas le seul, là, qu'on avait l'impression, en l'écoutant, d'en sortir plus intelligent. Hey, j'ai été capable de comprendre ça! Grande force de vulgarisation, en même temps que aucune manière de populisme. Il faisait confiance à l'intelligence des téléspectateurs, Marc. C'est facile de simplifier à outrance, de dire, il y a un problème complexe, ben voici la solution simple. Lui, devant un problème complexe, il ne se défilait pas. Il en faisait ressortir en vulgarisant, en expliquant toute la complexité, toutes les nuances, et il n'arrivait pas avec une solution simple à la fin. Je parle comme journaliste, là. Il y a des journalistes qui sont des populistes, là. On en a dans les journaux, on en a dans certains postes de radio. Ça n'était pas ce type de journaliste. Il faisait confiance, en effet, à l'intelligence des gens en disant « je vais les amener à comprendre. Le dossier est dur à expliquer, il y a plusieurs facettes ». Mais il faut leur faire comprendre. Point de mire, ça va se terminer en 59, parce qu'en 59, il y aura la grève des réalisateurs. Il va hésiter, mais finalement, il sera avec eux, il prendra parti dans cet important conflit. Puis ensuite, ce sera la carrière politique qui va commencer pour lui avec l'équipe de Jean Lesage en 1960. Une dernière question sur ce qu'il va garder de ses longues années de journalisme comme politicien, Marc Lorando. Ce qu'il va en garder, c'est certainement un esprit de synthèse. Je me souviens qu'au sommet de la Malbaie, fin des années 70, c'est un sommet socio-économique où on avait réuni les agents de la société, Brian Mulroney de l'Iron Ore, M. Laberge, à l'époque c'était la FTQ, le président de la CSN, Paul Desmarais était là. Alors, puis on arrivait pas à ce sommet socio-économique à dégager des lignes de force. Et c'était flottant un peu. Puis on ne savait pas comment. On se disait, est-ce que le président de l'Assemblée va résumer ça? Et on a eu l'idée de faire résumer par René Lévesque les délibérations. Et j'ai été témoin de ça. Il a pris la parole, il a résumé tout ce qui s'était dit, tous les antagonismes, tous les points de consensus, de façon assez brève, mais assez limpide, pour que tout le monde dise « waouh ». C'est vraiment ça qui se dégage. Et ça a été le grand moment du sommet. Et son expérience, on remonte à sa période de correspondant, là, puis à Point de mire, puis à ce moment-là, son sens de la synthèse, qui est une qualité journalistique, allait le servir en politique. Marc Lorando, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup, Marc. Plaisir réciproque, croyez-moi. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.